Nous inclinons nos têtes, je vais prier. Dieu Tout-Puissant, ton nom est le Seigneur Jésus-Christ. C'est avec conviction dans nos cœurs que nous nous rassemblons cet après-midi. En ce nom glorieux, ce nom du puissant conquérant, le grand sauveur, le grand Dieu, qui est la vérité, sachant que tu es au milieu de nous, selon ta promesse. Viens toi-même conduire ce culte. En tant qu'un homme, je n'ai rien de spécial. Selon ta promesse, c'est toi qui dois enseigner chacun de nous. C'est toi qui sauve. C'est toi qui convainc. Et c'est toi qui ouvre l'esprit. Fais tant de choses, Seigneur, au milieu de nous que aucun homme ne peut s'attendre. Car nous nous attendons tous à toi. Bénis même nos frères et nos sœurs qui suivront en ligne. Que le même Saint-Esprit qui nous conduira ici puisse être avec eux aussi. Nous le demandons avec foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Nous allons prendre cette semaine pour apporter un sermon que Frère Branham a prêché en son temps. Le temps des décisions. Je vous invite alors à prendre vos Bibles et à vous lever. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 24. À la maison, lisez tous les textes. Kunyumba, mtasoma sura yote mzima. Genèse chapitre 24. Mwanzo sura ya makumi na ine. Je prends 57. Nunabeba mustari yake ya makumi tano na saba. Alors ils répondirent. Sasa wakajibu. Appelons la jeune fille et consultons-la. Tumuite binti tumulize mwenyewe. Ils appelèrent donc Rebecca. Bakamuita basi. Et lui dirent. Bakamwambia. Veux-tu aller avec cet homme? Eti, unapenda kwenda na umutu? Elle répondit. Rebecca akajibu. J'irai. Taenda. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice. Bakacha, Rebecca kwenda dada yabu. Avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Na ule kijakazi wa Ibrahimu na batu yake balikuwa nabo. Ils bénirent Rebecca et lui dirent. Bakambaki Rebecca na kumwambia. Oh, notre sœur, oh, dada etu, puisses-tu devenir des milliers, des myriades, upate kuzidisha, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Na ata uzao yako, ipate kushika milango ya adui yao. Rebecca se leva et avec ses servantes, Rebecca akashimama pamoja na vijakazi yake, elles montèrent sur les chameaux. Bakapanda yule ya chamu ngamia. Et suivirent l'homme. Na bakanza kumfuata yule mtu. Et le serviteur amena Rebecca et parti. Na mtumishi wa Ibrahimu akachukua Rebecca na akaenda naye. Que le Seigneur bénisse la portion de l'écriture. Bwana abariki sehemu ya andiko. C'est un sujet que Frère Branham a prêché. Premièrement, au mois d'avril 59, il a intitulé Un temps de décision. Après ça, au mois de juin, il a intitulé Le temps de décision. Bien avant ça, vers les années 55, il a apporté un sujet intitulé « La puissance des décisions » ou bien « Le pouvoir des décisions ». Après ça, les résultats des décisions. Quand vous lisez les quatre sermons, les cinq, la pensée de l'esprit est presque la même. Maintenant, pour ce qui nous concerne, nous, maintenant, pourquoi ce temps est-il un temps de décision pour toi? Suivez bien le texte dans Genèse 24. La Bible, pour bien la comprendre, Frère Branham nous a aidé beaucoup en disant: la Bible a été rédigée en des images, des types. Tous les personnages de la Bible reflètent ce que sera le Nouveau Testament, le croyant. Que ce soit Abraham, Noé, Jacob, Josué, Joshua, Ruth, Luta, Esther, tous ces personnages était l'image de ce que sera le croyant dans la foi dans le Nouveau Testament. Pas seulement ces élus-là. Caïn, Judas, Nabal, tous ces personnages aussi, c'était le type de ce qui arrivera dans l'église dans le Nouveau Testament. Et maintenant je reviens à nous. Observez en Genèse 24 verset 1, lisez avec moi. Abraham était vieux, Abraham akuya ashazeka, avancé en âge. Je m'arrête là-bas. En termes clairs, c'était au soir de la vie d'Abraham. Et le soir de la vie d'Abraham était le type du soir des âges de l'église. Et quelle était la préoccupation ici? Abraham, vous allez remarquer qu'après Genèse 24, il y a Genèse 25, il y a très peu de commentaires sur Abraham. On en parle, Genèse 25, verset 1, 2, 3, 4, on s'arrête là-bas. 5, Abraham déjà fait la répartition de son héritage. Ibrahim anakabula mariake. Verset 5, Genèse 25. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac. Oui. Du côté de l'Orient. dans le pays d'Orient. Verset 7. Voici les années de la vie d'Abraham. Après qu'Abraham ait fait ça, et c'était fini, Abraham a tiré sa révérence, il est mort. C'était la fin pour Abraham. Et c'est en ce moment qu'Abraham, avec toute sa conscience, il s'est dit, il ne faut pas que je parte comme ça. Dieu m'a donné un fils qui est tout à fait particulier. Il est différent de tous mes enfants. Ismaël peut faire ce qu'il veut. Ismaël, je m'en fous. Tous les enfants de Ketura. Genèse 25. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Verset 2. Elle lui enfanta Zimram. Ainsi de suite. Regardez l'attitude d'Abraham. Donc, le reste des enfants, Abraham a chichoutou que Ibrahim ne s'inquiétait pas d'eux. Baowe, qui puisse se marier, Baolewe, qui puisse Bafanye se marier, banataka. Il doit faire l'œuvre. Abraham, ça ne lui dit rien. Abikwanzi, kumambia Ibrahim kitu. Vous allez dire, mais ça c'est de l'injustice. Ubaguzi, parce qu'après tout, bote ni batoto yaki. Tous ce sont ses enfants. Genèse 24. Abraham voyant que Machiko wangu inaanza kuisha. Voyant que son séjour touche à sa fin. Il s'est dit non. Isaac, lui, Isaac, il mérite toute mon attention. Il est différent de tous mes enfants. Amen. Les élus ici doivent comprendre maintenant que Dieu n'a rien à faire avec toutes les dénominations. Toute l'attention du Seigneur en ce temps de la fin, c'est vers nous. C'est-à-dire, laissez les dénominations agir comme ils veulent, mais nous ne devons pas agir comme ça. Amen. Amen. Maintenant, qu'avait fait Abraham? Nindini Ibrahim Alfani. Il cherche parmi ses serviteurs. Akatafuta kachikachi ya batumishi yake. Il en avait beaucoup. Alikuwa na boba mingi. Il a regardé. Anaangalia. Il a dit, qui peut bien faire le travail que je voudrais le confier? Anaweza kufanya kazi nzuri itampatia ni nani? Et le Saint-Esprit l'a conduit à Eliezer. Il appelle Eliezer. Eliezer. C'était parmi les plus anciens. Un moment, Abraham voulait en faire son héritier. Ibrahim, il dit, celui-ci remplira bien la tâche que je voudrais lui confier. Il l'appelle. Il lui dit, viens. Même ta main sur ma cuisse. Si tu es serviteur, et ton patron t'appelle, te dit ça. Ou te dit, gêné, mais on a dit, c'est pas possible. Soit t'es gêné, tu diras que c'est pas possible. Y a patron. Mettre ma main sous la jambe, sous la cuisse de mon patron. Qu'est-ce qu'il veut faire? Verset 2. Genèse 24. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Ibrahim makambia mtumishi wake ule kwa shakukawia zaidi mnyumba yake. L'intendant de tous ses biens. Ule alikuwa anangalia mautajiri yake yote. Son gérant. Ule alikuwa anangalia mautajiri yake. Celui qui avait vraiment la confiance d'Abraham. Ule Ibrahim kwa shatumainia zaidi. Amen. Amen. Mais je te prie ta main sous ma cuisse. Nakusi. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Frère, lisez très bien la Bible comme moi. Quand Abraham parle ici, il n'a pas cité Isaac. Il dit mon fils. Anasema, mutoto yangu. Mais Eliezer pouvait dire, mais Eliezer a kusema. Il y a Ismaël. Ismaël. Il y a Zimram. Zimram. Il y a tel. Lequel des fils vous parlez? Comme il était le plus ancien de la maison d'Abraham. Et connaissant l'histoire de la venue de cet enfant au monde, il savait que quand Abraham parle de son fils, il s'agit d'Isaac. Amen. Amen. Quand on parle de l'église, wakati la véritable, kanisa, à Kambov, Kambov, c'est toi et moi. Wenami. Amen. Amen. Quand on voudrait vérifier s'il y a réellement des chrétiens, kama mbukuba Kristo vya kweri, on n'irait pas les chercher chez les zambé malamu. Abezi kwendo batafuta manzambe balamu. S'il y a des chrétiens, kama kuba Kristo, on doit les chercher ici. Banapashi kubatafuta apa. Vous êtes avec moi? Tupamoya. Kama banasema, si on dit, imani sa yaba mitume iku wapi leo. Des disciples se trouvent où aujourd'hui? Bate tafta nikukushi. C'est parmi nous qu'on doit trouver ça. Mungu wabia kweri. Le Dieu véritable. Kona banani. Il est avec qui? Anapashi kwa nashi? Il doit être avec nous. Bwana mbariki. Kidio bini. Romu takatifu yabia kweri. Le Saint-Esprit authentique. Iku natumika na banani. Oeuvre avec qui? Inapashi kwe nashi? Ça doit être avec nous. La véritable église, c'est celle-ci. Ni. Maintenant, comprenez le terme que le Saint-Esprit a utilisé ce dimanche. Être chrétien, c'est une grande responsabilité. Kama unakuwa mukristu, ni madaraka mkubwa. Ni bujito bunene sana. C'est-à-dire, je lisais Frère Branham, je crois, dans les mémoriaux de Dieu. Ou bien le temps, ça doit être les mémoriaux de Dieu. Frère Branham dit ceci. Un Allemand partout là où il est, Allemand, il représente l'Allemagne. Un Américain, America, il est fier, il représente sa nation. Un chrétien aussi, partout là où il est, il représente tout le royaume de Dieu. Amen. Amen. Quand tu parles, on doit être attentif et se dire c'est le ciel qui parle maintenant. Quand tu te maries, tout le monde, même dans ta famille, on doit se dire c'est un enfant de Dieu qui s'est marié. C'est un enfant de Dieu qu'on marie. Amen. Ce qui fait que tout le monde doit se respecter. Quand les gens viennent à nos fêtes, wakati watoko makaramu yetu, nous allons au fête des saints. Amen. Maintenant, ils ne doivent pas arriver au fête des saints, au mariage des saints. On trouve les diables. C'est une confusion. Il est le mouvruko. Même dans nos maisons. Bibi naman. L'homme et la femme. Même dans nos lits, nous devons vivre tel que le ciel nous dicte. Que Dieu bénisse. Même au travail, nous représentons le ciel. Nous portons une nature qu'on ne trouve nulle part dans ce monde. Cette nature vient seulement d'en haut. Amen. C'est une très grande responsabilité. Abraham appelle Eliezer. Il dit, petit, si la mort me trouvait, ne permet pas à Isaac de se marier en désordre. Non. Maintenant ici, on a des frères, on a des sœurs, eux-mêmes sont témoins de comment ils se sont mariés. Maintenant, ce sujet doit vous aider. Ce que nous allons parler, ça doit vous aider. Parce que Isaac est le type d'un chrétien. Lui ne doit pas se marier n'importe comment. Vous savez à quel âge quand on devait décider sur son mariage? Combien connaissent l'âge avait Isaac à ce temps-là. Il avait déjà plus de 40 ans. Alkwasha kutambuka miaka makumi ine. C'est ça, muntu à 40 ans. Un homme de 40 ans. Baba kenjo kona ta ku décider mambo doye. C'est son père qui décide sur le mariage. Isaac était conscient. Isaac Alkwasha kuyua. Que je ne suis pas n'importe qui. Mishina sabantu bote aba. Je représente le ciel sur la terre. Apa batu mapashi kona ni mbingu ndani yangu. Et Dieu veille beaucoup sur moi. Ona kesha sana yulu yangu. Amen. Amen. Mais Ismaël, ça ne disait rien à Abraham. Tous les sept enfants de Ketura, ça ne disait rien à Abraham. Regardez comment Abraham l'a montré. Il appelle ses enfants pendant qu'il a envie. Oui, bébé. Toi, tu prends ça. Toka, toka, toka, wende mba. Toka, wende fashibi. Toka, wende mba. Toka, wende mba. Wende fashibi. Toka, wende mba. Wende fashibi. Il les a chassés. Ariba fukusha. Beba, parce qu'il prend ses véhicules. Vas-y. Il leur a fait des dons. Ariba pachia mazawadi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur. Tuko amana, nduku yangu, dada yangu. Zawadi, si aitwa tikishaka kusimani kumutoto yangu. Le don ne nous certifie pas que tu es un enfant de Dieu. Amen. Prophétiser n'est pas un signe que tu es né de nouveau. Ce n'est pas un signe que les choses arrivent comme à la pire, non, comme tout à Mungu. Kutabiri. Bangapi basha konaka muzebu bantu ba ntabiri bya kweli. Combien même ont déjà vu dans les dénominations prophétiser la vérité. Moi j'ai déjà vécu ça. Bangapi basha kona muzebu bana kweka mikono mujina bwana Yesu Kristo. Dans les dénominations on te pose les mains au nom de Jésus Christ. Matunzo enonoka. Et tu reçois la guérison. Moi j'ai déjà vu ça. Moi misha konaka vi. Je vous fais une parenthèse. Même funguria mukata. À Kinshasa. Kinshasa. J'ai vu un nom de Dieu, je peux Milonaka, pas parce qu'on est sur le net. Michel Zumutai, tu pas net. Cet homme-là. Où les moutes. Je vous dis, où qui vit vraiment beaucoup de tapis tambio. Quand vous voyez ce qu'il fait, vous allez fuir. Il dit et il fait voir ça. Et on est calé. Quand il est en face d'un malade. Wakati asimambe la mugonjo. Aveugle ou paralytique ou quoi. Voilà, il le démontre. Dès qu'il sent la chair de poule lui monter à ce niveau. Il dit ça y est, il sera guéri. Mais dans la dénomination. Dans la dénomination. Il prêche. Une maman à la maison. Aveugle. De la salle là où il est, il dit tous ceux qui sont dans leur maison, malades ou quoi, mettez la main sur l'écran pendant que vous me suivez. Il prie, l'aveugle voit. Maintenant, va vérifier sa vie. Marié sept fois. À chaque fois, sept fois. Vous suivez? Même là, je ne voudrais pas la citer. Il y a une dame, une pentecôtiste qui chantait, qui est décédée. Elle est sur la liste. Le don, Dieu peut le répandre sur tous. Amen. Amen. Mais regardez maintenant comment Genèse 25 parle. Genèse 25. Genèse 25, verset 5. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Ibrahim akaleta urithi yake yote kwa Isaac. Tu as bien traduit. L'héritage véritable. Urithi ya kweli. Dieu Abraham l'a donné à Isaac. Ibrahim alipatia ni Isaac. Et tous les autres enfants. Na batoto bote. Prenez des dons. Mubebe ni mazawadi yenu mimi nimpatia. Amen. Amen. Quand je parle d'Isaac, je parle de toi, ma soeur, je parle de toi, mon frère. C'est pourquoi, frère, vous m'entendez souvent dire, si tu es véritablement dans la foi aujourd'hui, si tu es ma soeur dans la foi aujourd'hui, dans cette Bible, hein, tu dois avoir une correspondance. On a pas ça tu dois avoir une correspondance. Bible où qu'on a fait ya leo. Ce que tu fais. Mou Bible mou coupa comme un homme moi ou un homme que moi arrive à faire. Il y a toujours une personne dans la Bible qui avait fait de pareil. Comment tu n'es qu'à la tu n'engara maïsha yako. Nous examinons ta vie. Mina je connais ce kuya sao. Je peux te dire, regarde, je te vois, tu es là. Na mwisho huyu. Et la fin de celui-ci, c'est ça. Bwana mbariki. Que Dieu bénisse. Normalement, kwa kawaida, chacun de nous, kila moja wetu, dans son appel, mwito yake, dans sa conduite, mwenendo yake, dans ses expériences, maonjo yake, Dieu Mungu doit l'avoir déjà mentionné quelque part dans la Bible. Anapasa kuya sa kumwandike ka fasima fulani ndani ya Biblia. C'est question seulement que Dieu te le fasse voir. Ni mambo tu Mungu yeye mwenyewe. C'est pourquoi mon frère, ma sœur. Quand un croyant véritable. Wakati mkristo. Quand une croyante véritable. Wakati mkristo kweli. Se retrouve dans les pages de la Bible. Anejikuta mu makata sa Biblia. Il voit l'image de ce qu'il était dans l'Ancien Testament. Anaona picha ya kila alikuwa. Même quand il va à genoux. Hata wakati anaenda kwa magoti. Il n'a pas honte. Ananaaya. Il n'a pas de doute. Ananashaka. Quand il prie, wakati il peut se référer à son image dans l'Ancien Testament. Anawezi kubeba picha yake. Amener Dieu na kumbeba Mungu à ce qu'il avait fait avec telle personne, kumukumbusha bila telle personne, mutu fulani, telle personne, mutu fulani, c'est comme ça qu'il en est avec na moi. Joy, mamu, amisha, nikuta. Et Dieu ne peut pas hésiter. Ashezi kushita, Dieu dans son cœur reconnaîtra que atatambua kusema, tel que tu mentionnes ces images. Là, c'est ainsi qu'il en est de ton cas. Et Dieu sera dans l'obligation de venir agir en ta faveur comme il l'a fait autrefois. Pourquoi? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'ai toujours aimé une écriture. Romains 10. Souvent vendredi, je fais allusion à ça. Romains 10. Verset 11. Quiconque croit en lui yo ne sera point confus. Ula na mini ndani ya Yesu atapataka mvuruko. Il n'y a aucune différence na hakuna atanisho kamoyo entre juif katikati ya et grec. Na muyunani. Pourquoi? Juanin. Puisqu'ils ont tous le même Seigneur. Sababu beko bote na bwana moya. Amen. Amen. Il n'y a aucune différence entre celui qui agissait avec Isaac, Abraham et celui qui agit avec nous. Nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Seigneur. Et il n'est pas seulement le même Seigneur, riche pour tous ceux qui l'invoquent. Tout ce qu'il invoque. Invoquer, c'est appeler au secours. Ah, ni kusema unamuita akusaidie. Bwana mbariki. Que Seigneur bénisse. Car quiconque invoquera le Seigneur, le nom du Seigneur, sera sauvé. Ataokolewa. Tunalura ku Genèse. Nous rentrons mu mwanzo. Regarde mon frère, ma sœur. Zameni nduku na dada yangu. Abraham Ibrahim voulait protéger les promesses. Il savait que ce garçon est porteur de promesses. Amen. Amen. Regardez aujourd'hui à travers le monde. Tout le monde déclare. Le monde est presque à la fin. Le retour de Jésus-Christ est presque imminent. Mais ils n'ont ni plan, ni programme. Ils ne connaissent rien de la promesse. Qui sont porteurs des promesses? Qui ont le plan exact? Qui savent comment est le programme? C'est nous ici. Nishi, frère. C'est nous. Si Dieu tout un programme, nous avons le programme de Dieu. Si Dieu tout n'a vu le bitafanyika. Nous connaissons comment ça va se passer. Et les gens avec qui travaillent aujourd'hui, ne doutez pas, frère. Les choses de Dieu sont tellement simples. Vous pouvez douter. Vous êtes locataire, mais c'est avec vous que Dieu travaille. Vous êtes chômeur, mais c'est avec vous que Dieu travaille. Vous n'êtes pas marié, c'est avec vous que Dieu compte beaucoup. Alors ne vous minimisez pas. Nous sommes porteurs de promesses. Amen. Nous sommes porteurs de promesses. C'est pourquoi il nous a même demandé. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel. Quand vous vous mariez, les gens ont soif de se marier. Quand vous vivez dans vos ménages, les gens ont soif de devenir comme vous. Quand vous vous adorez, les gens ont soif d'être des chrétiens comme vous. Est-ce que c'est ça notre cas? Point d'interrogation. C'est pourquoi Paul, étant averti, dans Galates 4, je crois, verset 28, il dit, pour vous, bien-aimés, comme Isaac, vous êtes des enfants de la promesse. Vous êtes comme Isaac. Vous êtes des enfants de la promesse. Nous portons une promesse. Frère, Dieu nous a tellement aimés que nous sommes éclairés sur toutes choses. Nous sommes éclairés. Et aujourd'hui, mal agir, c'est-à-dire tu le fais consciemment. Bon ambarik. Amen. Regardez comment le Saint-Esprit a parlé. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Attendez, je cherche cette écriture-là. Amen. Pas Romains 9 plutôt. Ce n'est pas 4. Romains 9. Tissa. Il y a Jacob, il y a Israël. Ne sont pas Israël. Aïna ba Israëli. Et bien qu'il soit la postérité d'Abraham biologiquement, c'est vrai. Ataville mukuzali comme mwili ni batoto Ibrahimu. Ils ne sont pas tous ses enfants. Bote aina batoto yake. Mais il est dit. Lakini inaandikwa. Inasemewa. Mention spéciale. En Isaac, tu auras une postérité appelé de ton nom. Sema ndani ya Isaac ndio utapata uzao ya jina lako. Ah. C'est-à-dire verset 8. Sema musaka munana. Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Nikusema aina batoto ya mumwili ndio batoto ya Mungu hapana. Ce sont les enfants de la promesse. Ni batoto ya malako. Qui sont regardés comme la postérité. Ndio wanaangalia sauza. Amen. Amen. Aina makanisa yote vibe kuna sema sema. C'est pas toutes les églises. Aina shibote vitu kwa hapa. C'est pas nous tous tels que nous sommes. Mais parmi nous, katikatiye, il y a des frères Kubanduku, et des sœurs. Kabadada, vraiment toute l'attention du ciel, ma, toute l'attention de Dieu, mingu, akilote mungu, est sur eux. Iguliabu. Ils sont ici. Bekwapu. Ils sont ici. Bekwapu. Et quand nous apportons la parole, nous attendons de ces hommes-là, de ces femmes-là, une décision immédiate. Même s'il était dans le mal, lorsque vous prêchez, c'est comme si on lui a dévalé. Il va jeter tout ce qui n'était pas là. Même s'il était dans les erreurs, il va arrêter ces erreurs-là. Écoutez comment le Saint-Esprit parle. Un temps de décision. De samedi 18 avril 1959 soir. Un temps de décision. 18 avril 1959 soir. Mangaribi. Le dernier paragraphe de la citation 21. La dernière citation, le dernier paragraphe de la citation 21. Ainsi, Dieu exige une action immédiate. Lorsque Dieu parle, lui aussi il prend la décision pour arrêter. S'il était dans Dieu le visite à l'immédiat, il prend la décision. Amen. Amen. Dieu exige une action immédiate. Si vous l'aimez, mettez tout le reste de côté. Si vous aimez Jésus-Christ, mettez tout ce qui n'est pas parole de Dieu de côté. Dans votre vie, dans votre maison, dans toute votre conduite. Si vous l'aimez, mettez tout le reste de côté et recevez-le seulement. Si vous croyez sa parole, débarrassez-vous de tout le reste. Les croyants de la parole sont là. Écoutez, si tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu véritable, et Dieu a révélé la Bible en ces temps de la fin, rejetez tout ce que vous avez compensé, votre façon de kutaka kwako, votre vouloir, kutenda kwako, votre façon d'agir, tupa biote, bakia na kile Mungu anakupatia, ce que Dieu vous a donné. C'est ça l'action immédiate. Jo kutenda kwa paka pali. Je peux me retrouver en train de faire une chose, kufanya kitu kimoya, croyant être bon, kuamini ya kwamba c'est que zuri. Mais quand la lumière vient, wakati nuru inafika, je dois lâcher prise, inapashi kuachiria. Je ne peux pas me justifier. Jésus kwanza kuleta mahesabu. Mutoto wa Ibrahim frère. Un enfant d'Abraham. Kama alikotolaka mkoa. Il avait fait l'erreur en Samaria. Bana monesha sime ba Kristo ba wote. Les chrétiens de Samaria pas comme ça. Ataseni bia kweli. Il dira c'est la vérité. J'étais dans l'erreur. Et qu'est-ce que je dois faire? N'a pas fini. Je dois boire ma coupe. Kunya kikombe yangu. Milikotolaka. J'étais dans l'erreur. Souffre. Comme le te souffre. Sa munyaki. Amen. Accepter de dire ça, c'est ça mon erreur dans ce corps. J'ai souffrir dans ce corps. Ce sont les conséquences, de mes décisions. Amen. Amen. C'est comme ça que nous marchons. Ça, c'est mon erreur. J'assume. J'assume. Voilà, c'est ça le terme. J'assume. et j'accepte de payer les frais. J'ai pris le Seigneur. Si vraiment il peut me faire grâce de surmonter ça et d'avancer, courir jusqu'au but. Bon embarique. Seigneur bénisse. Si vous croyez sa parole, débarrassez-vous de tout le reste et gardez la parole. C'est un temps de décision. Vous devez vous décider. Les mémoriaux de Dieu. Les mémoriaux de Dieu. Le 18 août 1957. Vous savez, on a joué. Suivez, comme le Saint-Esprit nous a apporté la parole en ces temps de la fin. Suivez ma soeur, suivez mon frère. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc, kama auweze kufika mkujisha bitu yako biote kutupa. Kama auweze kutupa bintu biote si muivu na kwa kwa Yesu Kristu. Jete tu. Quand vous venez à Jésus Christ. Ne venez pas du tout. Apana kuya tu. Ba Kristu be kwa pa. Les chrétiens sont là. Kama unasema mina mini Yesu si Christu. Si tu dis que je crois au Seigneur Jésus Christ. Yote kila kina sauti ya Mungu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Tupa biyo sa. Jete sa de côté. Apana kurefléchir. Ne réfléchissez pas. Kama utaweza kutupa si biote. Si tu t'auras pas. Acha mambo ya kurita mbele bu Kristu. Arrête de t'appeler ses matrétiens. Apana kwenda kubatema. Na ali même pas au baptême. Donc nous ba. Cela veut dire. Si tu kunenda kubatiza. Des frères. Ba ndugu. Des sœurs. Na badada. Prêt. Ba le beko tayari. Pour le combat. Ju ya kuvita. Prêt. A tout jeter. Ju ya kubeba kwa chiria bitu yote. Et garder la parole. Na kuchunga paka neno. Il y a un homme dans la Bible. Kuko mutu mwa ndani ya Biblia. Prenez deux. Chapitre 15. Bébé, mambo ya siku ya piri sura yake. Deuteronome chapitre 15. Sura yake ya 15. Mambo ya siku. C'est le roi Asa. Il me fallait Asa. Deuteronome chapitre 15. Mambo ya siku ya piri. C'est un homme de Dieu. Alikuwa mtu mshamu. Vraiment. Un croyant véritable. Mais qui s'était retrouvé dans de fausses choses. Comme il peut arriver avec les vrais croyants ici. Anakotola. Mubile qu'on a fait. Anakotola. Sa conduite. Il peut fauter. Vous connaissez ces écritures. Deuteronome Chroniques chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, verset 1. Et Azaria alla au devant d'Asa. Na Azaria akaenda kumbele ya Asa. Et lui dit. Na kamambia. Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. Asa na Yudea mujima na Benjamia mpate kunishikia. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Wamilele kona mweye ni mwakati mkunaye sasa la prédication. Mungu yuko na weye. L'Éternel Dieu est avec vous. Wakati na wako unachunga sauti yake. C'est pas lorsque toi tu gardes sa parole. Kama uchunge sauti yake. Dans les cas contraires. Hata unembaka kora. Même si tu chantes à la cour. Hata uko cameraman. Même si tu es cameraman. Hata uko na hubiri. Même si tu es prédicateur. Mungu ashina na weye. Dieu n'est pas avec et toi. Et Dieu n'a pas changé. Na Mungu ayabadilika leo. Même si on t'a épousé dans cette église, si toi tu ne gardes pas la parole de Dieu, n'a rien à faire avec toi. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Comment abandonne-t-on Dieu? Toutes les fois que tu ne veux pas faire ce que la parole te demande, tu as déjà abandonné Dieu là-bas. Mwakati yote upende kufanya mapenzi ya Mungu, pale unaonesha kumachilia Mungu. À l'église. Lakini kanisa. Tu viendras. Utendelea na kuimba. À la chorale. Kukwaya. Tu chanteras. Utendelea kuimba. Prêcher. Kuhubiri. Tu peux même avoir un ministère. Unaweza kutafsiri huduma. Interpréter. Tafsiri. Tu le feras. Unaweza kutafsiri. Tenir nos caméras. Kubamba makamera. Tu le feras. Utaibamba. Mais en vérité. Mais lakini bia kweli. Tu as déjà abandonné Dieu. Mungu shakumwachaka. Bwana mbariki. Kijo benisi. Suivez maintenant. Ufuate sasa. Verset, on l'exhorte, Manama, regardez le verset 8. Sukutisha, après avoir entendu ses paroles, abatu kisha kushikia mahubiri ye nyuma ya ye kushikia hii masema neno après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète nabii ya Obed nabii asa se fortifia asa akajitia nguvu après ye kushikia mahubiri ya Mungu après la prédication de Mungu nguvu na muduri il s'est fortifié anasema kumbi ce n'est pas encore trop tard ah wakati ya kuwa yapita Mungu arinyona Dieu m'a déjà vu na Mungu anapenda nitembee hivi anasema sasa il veut que je puisse marcher tel qu'il vient de me dire qu'est-ce que asa fait. Il fit disparaître toutes les abominations de tous les pays de Juda. C'est quoi ça? Une action immédiate. Bah Christ, tout le monde la somme. Nous lisons ensemble. Nous après avoir écouté, il a pris la décision. Dites-vous. Ôtez ça. Ça, ôtez ça. Jetez ça. Et ma photo, il toque. Ces photos ici, ôtez ça. C'est-à-dire, Nikusema, il fouille sa maison. Ananza il fouille sa vie. Ananza kuangalisha maisha il fouille yake. Même son langage. Hata musemeo yake. Il fouille son téléphone. Hata mucho musimu ces yake. Histoires ici, pas question sur mon téléphone. Yangu. Mais où qu'est-ce qu'on constate? Ici, nini, après avoir entendu les prédications. Frère, Félix, Duku. Nanga na sata fika shuka. Nanga idi varivika. Ils sont ici. Be kuapa. Donc tu ne brûles. Tu n'as soif. Kiwiako. Que de voir tomber Félix. Ni on est tout Félix. Que Nanga vienne vite. Eli, nanga kuye kuko araka araka. Mais regarde. Tu n'as pas de correspondance dans la Bible. Sasa. Aujourd'hui, on a tout le monde a fatani sanaye. Tu n'as pas de correspondance dans la Bible. Toutes les nations. Sur mon téléphone, qui quoi que ce soit qui n'est pas parole de Dieu. Mais Dieu, t'es pas téléphone yangu kama kuna aina neno la Mungu. Je vais effacer ça. Quoi que ce soit dans mon discours qui n'est pas parole de Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, je vais ôter ça. Parle tout minashikia sauti ya Mungu. Lorsque j'écoute la parole de Dieu. Le Saint-Esprit viendra lui-même le révéler à chacun selon sa condition. Il va là-bas, il te révèle ce que c'est. Des abominations. Il va à l'autre. Toi, des abominations, c'est ça. Est-ce que cet esprit-là n'agit pas encore aujourd'hui? Si Dieu veut le bien, tu n'as pas choisi. C'est comme ça que les choses doivent être. Il fait disparaître toutes les abominations. Frère, Duku. Regardez vers la fin du verset 8 là. Ouais, il restaura l'autel de l'Éternel. Akarudisha mazabao ya milele. Anasema na mambo munyumba tunapasha mbe kurusha na kuomba. Dans la maison nous devons commencer à prier le soir, le culte du soir. Mimi nzakulofa vendredi. J'arrange mon programme pour que vendredi je ne manque pas à l'adoration. Le vendredi que je ne manque pas à la prière. Bibiang. Ma femme. À partir à Léo. Désormais. Tu as dit que je m'aime 20h. À 20h, on doit arrêter nos activités. J'exhorte, on chante des cantiques. On prie. Est-ce que les chrétiens pareils ils sont là? Mais vous voulez aller au ciel? Mais la kin mo tafsa kwenda kumbingu. Mon Christ frère. Un chrétien. Chaque jour quand il vient. Il a chic mo kati la kuya. Le Saint-Esprit. Lui révèle le trou qu'il y a sur la maison, ah, sur la toiture. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, il va aller fermer là-bas. Si c'est au mur, il va dire il y a des fissures, ça va m'amener des ennuis. Je dois arranger ça. Il faut être insensé. Le Saint-Esprit te fait voir ton état. Et toi, tu sors. Na ona toka. Ah, c'était un bon sermon. Vraiment, Dieu nous parle. Ah, oui, mais Dieu a parlé. Quelle a été ton action? Le Saint-Esprit a posé son action. Quelle est la réaction? C'est de prier seulement et s'arrêter là. Non, il faut passer à l'œuvre. Un temps de décision. Et nous apportons la parole pour que les véritables élus, comme nous sommes au soir des âges de l'église, prêts, que les élus prennent des décisions. que les élus prennent des décisions. Les abominations, Makufuru. Le Saint-Esprit, frère, si tu es sincère, kama si tu es sincère, kama ma soeur, le Saint-Esprit viendra, itakuya, il t'indiquera où sont tes abominations. Yako na makufuru yako yote. Il ne peut que le faire. Anapasa kuifanya. Je lisais les mémoriaux de Dieu. On rentre là-bas. J'étais à la citation 54. Quand vous venez à Christ, si vous ne pouvez absolument pas tout vendre en bloc et venir à Christ, ne venez pas du tout. C'est-à-dire acha tu. C'est ma abandonne. Acha. Abandonne. Mais la qui, si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Bakia imara. Ne bougez pas. Pana kutenka. Jamais. Hein, tenez ferme. Ferme à quoi? À ce que disent les réseaux. Tenez ferme à ce que le Saint-Esprit lui révèle de la parole. Vous voulez devenir chrétien? Tenez ferme à la parole de Dieu. Mourez avec la parole de Dieu. Tenez ferme à la parole. Et Dieu lui-même puisse confirmer que celui-ci veut être véritablement chrétien. 2 Chroniques chapitre 16. Soit qui a combien la cite. 2 Chroniques chapitre 16. Soit combien la cite. Verset 9. Moussa qui a tissé. Car. Quoi? L'Éternel étend ses regards sur toute la terre. Wamilele mukwangari ya mulimwengu mzima. Pour faire quoi? Donner du mariage. Du travail. Pour soutenir les frères, Banduku, les sœurs, Badada, dont le cœur veulent vivre la parole. Unapenda kuishi neno. Et Dieu, na Mungu, cette parole, inenu, il ne l'a jamais retirée. Jusqu'à ce soir, imanga, Dieu cherche Mungu des sœurs, des frères na Banduku, qui veulent à tout prix penda, tenir ferme à la parole. Imara kunenu, et il vient voir na quoi? Les rendre capables. Parce qu'il sait que anajua, toute capacité yote, pour vivre la parole neno, doit venir d'en haut. Kumbingu. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait jusque ce soir. Qui sont prêts à prendre des décisions? Amen. Qui sont prêts à faire disparaître toutes les abominations? Qui veulent rester ferme à la parole? Le Saint-Esprit est dans l'obligation de venir vous aider. S'il ne vient pas, tu as le plein droit de réclamer ça. Amen. Ça, c'est la vérité. Il est ukweli. Les mémoriaux de Dieu. On continue. Tendele. Si vous voulez vraiment devenir un chrétien, on a peine à kika kwa Christu. Tenez ferme. Bake imara. Faites voir cela. Vous partez couillonner Kanisha. Comment est-ce que vous allez le faire voir? Je crois où là nous faisons quand tu vas croire en Christ. À celui qui fait à ce que les gens soient chrétiens. Après Ngoi. Pas chez Ngoi. Ngoi ne peut pas te rendre capable. Ngoi ne. Ayez vous faire couper. Aucun diacre. Même pas. Aucun homme. Akuna chez moi. Faites-le voir. À celui qui suscite la foi dans les hommes. Et qu'on anzisha imani dans les abattus. Il faut y avoir un que lui confirme où que il faut nous aider. Celui-ci, je dois aller venir en air. Celui-ci, je dois aller venir en air. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu le mungu apenda kile mkuye. Amen. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu le mungu apenda mkuye. Vous savez. Unajua. Prenez Luc. Bébé Luca. Il y a une écriture. maandiko que Jésus avait évoqué, Luc chapitre 9. Luca, c'est ça. Luc chapitre 9. C'est par là qu'on peut commencer demain. Je vais tourner jusqu'à Anzia Kish. Luc chapitre 9. Luca, c'est ça. Dernier verset. Usaki amushu. On peut commencer au verset 59. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leur mort. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, Kumjembe, et regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume. Ashistaili ufalme. N'est pas propre, ashistaili. N'est pas digne. Aule ashimerite kuya mumambo ya Mungu. Il ne mérite pas d'être dans le show de Dieu. Et l'écriture, Nandiko, dans Luc, Muluka, verset 32, nous renvoie à la femme de Lot. Souvenez-vous de la Bibiaki à Lot. Elle avait reçu un message du temps de la fin comme toi, ma soeur, comme toi, mon frère. Un appel a sorti. On l'avait baptisé au nom de Jésus. Elle a commencé à s'habiller comme une sœur. On a commencé à l'appeler frère. Et là, elle est devenue caméraman. Interprète de sous. Choriste. Mais, pourquoi la Bible insiste? C'est-à-dire, tournez le regard. Regardez ce qu'elle est devenue. C'était quoi? Elle était sortie. Comme toi et moi. Nous avons laissé les donations, nous avons nous sommes moqués, disant que nous avons un message. C'est ici qu'il y a la vérité. Ah, c'est bon. Mais avance maintenant là où tu pointes. Marche conformément avec le message. Elle est sortie physiquement. Mais son cœur en arrière. Son cœur n'était pas ferme. Et qu'est-ce qu'elle est devenue? Un mémorial pour tous les croyants du Nouveau Testament qui sortiront physiquement, membres du tabernacle, dont les cœurs ne sont pas fermes dans la parole de Dieu. Pas mambo, frère ou non, lorsqu'il y a un problème, frère, vous voyez, ça, on doit agir vraiment, c'est notre tribu. Je ne vais pas avoir des problèmes avec les oncles. Tu n'es pas ferme. Auna imara. Malaria tu inakawa. La maladie traîne un peu. Munaona batoto abonukan. Vous vous mariez, il y a tu pas des enfants. Tu commences à écouter tous les langages vulgaires de la cité. Qui a misemo yote a ovi a mukompone. Pourquoi tu bonakawa? Le mariage traîne un peu. Imani inaanza kutenda. La foi commence à bouger. C'est fini. Un peu de souffrance, c'est fini. Vous allez dans des groupes de prière qu'on puisse prier pour vous, pour avoir l'emploi. Ce soir, souviens-toi de la femme de l'autre. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Tu connais toi-même. Jusque ce soir, ah, son sel, chez pasteur pouvait trouver. Tu regardes même l'image. Vous regardez même c'est picture. Une femme qui s'est retournée comme ça. Pourquoi? Johnny, le message Ujumbe, t'a été apporté. Il kuletewa, pas que tu vois. Tel que nous sommes. La fermeté, imara, si j'aime. Zéro. Bonne embarique. Nous sommes arrivés à la fin. Que chacun de nous puisse comprendre ce que l'Esprit vient de nous dire. Wakati, frère, c'est un temps. Yakubeba mipango. Des décisions. Tosha mu maisha yako. Ôtez dans votre vie. Fuyez maisha yako. Fuyez dans votre vie. Kote kila kina sauti ya Mungu. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Vous-même, enlever ça. Cela ne demande pas que Dieu puisse venir agir à ta place. Nous serons des vainqueurs parce que nous agirons sur notre décision. Ce n'est pas à Dieu de venir retirer toutes les sales choses sur ton téléphone. Le propriétaire de Mega, c'est toi. Le propriétaire de téléphone, c'est toi. C'est lui qui peut désinstaller les applications qui ne vous aident pas dans votre foi, c'est toi. Mais Dieu t'a montré que tu dois ôter tout ce qui n'est pas la parole de Dieu. Touche ma main. Lève-nous. La parole de Dieu est très claire. Et Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Dieu envoie sa parole. C'est ça, l'aide, il vous tend sa main, disant que ma main est là, sors du trou où tu es entré. Profitez-en. Faidi aïe. Prions-nous tous ensemble.